Section 63 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 14, troisième partie. L'Union de Kalmar, par Émile Omand. Les événements qui l'ont préparé. En 1363, Valdemar Atterdag avait marié sa fille Marguerite, âgée alors de 16 ans, au roi de Norvège, Hakon. À ce moment, il n'était pas possible de prévoir une union de la Norvège et du Danemark. Valdemar avait en effet un fils, Christophe, mais ce fils fut tué en 1365. Il en résulta qu'après la mort, survenue dans la même année, de Valdemar Atterdag et du duc Henri de Sud-Jutland, la descendance mâle des Estritides se trouvant éteinte, Marguerite put revendiquer la couronne de Danemark pour le fils qu'elle avait eu du Norvégien Olaf. Elle réussit à évincer le concurrent d'Olaf, un autre petit-fils de Valdemar, Albert de Mecklembourg, et en 1380, après la mort de Hakon, Olaf se trouva roi à la fois de Danemark et de Norvège. Dans chacun des deux royaumes, ce fut Marguerite qui régna sous le nom de son fils. En Danemark, elle continua avec plus de prudence la politique de son père. Si, d'une part, elle renonça temporairement au duché de Sud-Jutland, de l'autre, elle réussit à se faire remettre les villes de Scanie, depuis si longtemps détaché du domaine royal. La mort de Hakon, survenue en 1387, n'enleva rien à son autorité. En Norvège, elle fut élue reine. En Danemark, régente. Un peu plus tard, elle se fit reconnaître, par les diètes des deux royaumes, les droits à sa succession de son petit-neveu, Éric de Poméranie. L'union durable de la Norvège et du Danemark étant ainsi assurée, Marguerite put revendiquer les droits sur la Suède qu'elle tenait de son mari Hakon et en vertu desquels elle avait pris, dès 1380, le titre de reine de Suède. Nous avons vu comment, en 1365, au mépris des droits de Hakon, la noblesse de Suède avait donné la couronne à Albert de Mecklembourg. À la vérité, il y fut élu roi, mais jamais il ne fut maître de son royaume. Pendant plusieurs années, des partisans, d'abord de Magnus Meck, puis de Hakon de Norvège, en occupèrent les principales places. À plusieurs reprises, Hakon vint menacer son rival, jusque dans Stockholm. Albert n'était soutenu que par les Allemands qu'il avait emmenés avec lui, et par une partie de la noblesse qui lui faisait payer chèrement son appui. La Suède appartenait en réalité aux chefs des grandes familles, qui formaient le Riksrad, et surtout à Beau Johnson. Après la mort de celui-ci, ses héritiers se brouillèrent avec Albert et appelèrent Marguerite. Le 24 février 1389, à Falköping, Albert fut battu et pris par les Danois. Mais cette victoire ne termina pas la guerre. Les vainqueurs eurent à faire le siège de la plupart des villes, de Stockholm en particulier. Ravitaillés par les corsaires de Wismar et de Rostock, les places maritimes résistèrent longtemps. Marguerite ne fut à peu près maîtresse de la Suède qu'après le traité de Lindholm, 1393, conclu avec son prisonnier Albert. Celui-ci consentit à engager pour 3 ans Stockholm aux Anséates, qui devaient payer sa rançon. Si, au bout de ces 3 ans, il ne les avait pas remboursés, Stockholm serait remis aux Danois. Ce fut effectivement ce qui arriva. L'Union de Kalmar. Les 3 royaumes étaient réunis de fait, mais l'Union ne reçut une consécration légale que quelques années plus tard. En 1396, Marguerite fit élire roi, suivant les formes usitées en Suède, son petit-neveu, Éric, qui fut couronné l'année suivante à Kalmar, par les archevêques de Lund et d'Uppsale, pendant que des seigneurs danois, norvégiens et suédois rédigeait, sous l'inspiration de Marguerite, un projet d'union perpétuelle des trois royaumes. Les clauses de ce projet étaient vagues et incomplètes. Il était bien stipulé que les trois pays n'auraient qu'un roi, mais rien n'établissait lequel des fils de ce roi devrait lui succéder. D'autre part, les conditions de l'alliance des trois royaumes contre leurs ennemis communs n'étaient nullement réglées. Il en résultera que les successeurs de Marguerite, et Marguerite elle-même, mettront au service de leur politique danoise les ressources de la Suède, et que le mécontentement des Suédois les conduira à la révolte. Il ne faut pas oublier non plus que l'acte de Kalmar est resté un projet, que jamais il n'a été régulièrement accepté par la nation suédoise, qui lui a été, au moins au début, assez mal connu, à en juger par la réclamation que les Suédois adresseront plus tard aux Danois, lors de leur première révolte, d'une copie exacte de cet acte. Quoi qu'il en fût, la principale cause de l'instabilité de l'Union fut celle-là même qui avait favorisé sa réalisation, c'est-à-dire l'anarchie permanente de la Suède. Sous les derniers Folkungs, l'autorité royale avait été fort réduite. Sous Albert, elle était tombée à rien. Étranger au pays, comme Albert, à peine maître du Danemark lui-même, les successeurs de Marguerite ne conserveront en Suède un semblant d'autorité qu'à la condition de s'appuyer sur une des factions suédoises. Ils seront longtemps soutenus par le clergé. Le jour où la haute noblesse l'aura emporté sur le clergé, s'en sera fait de l'Union. Les rois de l'Union. Déjà, dans les dernières années du règne de Marguerite, on voit commencer les dissentiments. D'une part, elle mécontente ses nouveaux sujets en leur imposant des fonctionnaires danois, en forçant les nobles à restituer les terres de la couronne à des paysans libres, qu'ils s'étaient appropriés depuis l'avènement d'Albert, et à démolir la plupart de leurs forteresses. De l'autre, elle recommence, contre le Holstein, dans l'intérêt du seul Danemark, une guerre qui mécontente les deux autres royaumes. Cette guerre s'aggrava sous Éric qui, bien que proclamé majeur en 1400, ne commença à régner réellement qu'en 1412, après la mort de Marguerite. En 1413, après avoir fait proclamer par la diète de Nyborg la confiscation du Schleswig, Éric l'envahit à la tête d'une nombreuse armée, mais dut bientôt reculer devant l'intervention des Anséates. Ceux-ci dévastèrent les côtes danoises et norvégiennes, saccagèrent Bergen, faillirent enlever Copenhague, que sauva la courageuse reine Philippa. La paix ne fut signée qu'en 1435. Elle laissa au duc de Schleswig son duché, aux Anséates leurs privilèges. Pendant que le roi était ainsi occupé, des troubles avaient éclaté en Suède, causé, dit-on, par les cruautés d'un bailli royal en Dalécarlie, Jens Eriksen. Les paysans dalécarliens se groupèrent autour d'un noble de petite naissance, Engelbrecht Engelbergsson, et lui firent une armée qui nulle part ne rencontra les Danois devant elle. Dès ce moment, l'union eût été rompue, sans les craintes inspirées à la haute noblesse et au clergé par un mouvement populaire, qui pouvait facilement tourner contre eux. Par leur intervention, des tentatives d'arrangement furent faites à plusieurs reprises. À la diète de Halmstad, en 1435, les droits d'Éric furent solennellement reconnus. Il fut stipulé, en même temps, que tous les dignitaires du royaume devraient être suédois, moins pourtant les gouverneurs des châteaux royaux de Stockholm, de Kalmar et de Nyköping. En 1436, une autre diète s'efforça de raffermir l'union en fixant mieux les conditions. Le roi devrait passer chaque année 4 mois dans chacun de ses royaumes. Nulle guerre ne pourrait être entreprise sans une décision prise en commun par les conseils des trois royaumes. Mais ces résolutions n'empêchèrent nullement la guerre de continuer entre les Danois, que soutenait le clergé, et les différentes factions de la haute et de la petite noblesse suédoise. Charles Knutsson, le chef des grands, finit par faire assassiner son rival, le chef populaire Engelbert Engelbergsson, et devint administrateur de l'État, à peu près au moment où Éric était dépossédé, en Danemark et en Norvège, au profit de son cousin Christophe de Bavière, 1439. Il n'en résulta pas du reste une rupture de l'union. Charles Knutsson ne pouvait pas plus se maintenir en Suède que ne l'avait fait Éric. Il s'arrangea avec Christophe, en 1441, au prix de la Finlande et de l'île d'Öland. Couronné en Suède, le nouveau roi le fut l'année suivante en Norvège et en 1443 en Danemark. Comme son prédécesseur, Christophe fut surtout un roi danois et tourna toute son attention du côté de l'Allemagne. Brouillé avec les Hanséates, il passa ses 5 années de règne à leur chercher, en Angleterre et en Hollande, des concurrents capables d'entamer leur monopole du commerce du Nord. À sa mort, 1448, le Ringstrad danois, usurpant un pouvoir qui, jusqu'alors, avait appartenu au Diet général, offrit la couronne à Adolphe de Schleswig-Holstein, descendant d'Éric Glipping par les femmes, et, sur son refus, à son cousin Christian d'Oldenbourg. L'élection de celui-ci fut le signal de la séparation de la Suède. Charles Knutsson, revenu de Finlande, fut élu roi à Stockholm, en dépit de l'opposition du clergé et des puissantes familles des Vasa et des Oxenstierna, et, l'année suivante, il fut également élu en Norvège. Mais Christian ne tarda pas à reprendre l'avantage. En 1450, il se fit couronner à son tour en Norvège, et 3 ans après, appelé par l'archevêque d'Uppsale, il rentra dans Stockholm pendant que son rival s'enfuyait en Allemagne, mais pour en revenir, une première fois en 1464, une seconde fois en 1467. Charles VIII mourut à Stockholm en 1470, laissant le pouvoir, avec le titre d'administrateur, à l'un des principaux chefs de la noblesse, Stenon Sture. La victoire de Brunkeberg, que celui-ci remporta l'année suivante sur les Danois, près de Stockholm, affermit son autorité et valut à la Suède 16 années d'une paix relative. Malheureux en Suède, Christian d'Oldenbourg avait trouvé des compensations d'un autre côté. En 1460, après la mort d'Adolphe de Schleswig-Holstein, il avait réussi à conclure, avec la noblesse des deux duchés, une sorte d'union de Kalmar, qui, tout en laissant intacte leur autonomie, les avait rattachés politiquement à la couronne de Danemark. Cette acquisition, désirée depuis si longtemps par les rois danois, venait trop tard pour enrayer la germanisation du duché, mais du moins elle procurait au Danemark, sur sa frontière du sud, une tranquillité qui lui permettra bientôt de reprendre l'offensive, avec des forces accrues, du côté de la Suède. Voyons maintenant quel était, sous le régime de l'Union, l'état des royaumes. Le Danemark. Il comprend à ce moment les mêmes provinces qu'à la fin de la période précédente, et, en plus, l'île de Gotland, détachée de la Suède, et la plus grande partie du Schleswig-Holstein. La population, qui monte environ à 1,5 million d'âmes, est de race danoise, sauf dans le sud de la péninsule. La germanisation a fait de grands progrès dans le Schleswig pendant toute la durée de son union politique avec le Holstein, 1386-1459. Pendant ces 3/4 de siècle, la cour et l'administration y ont été exclusivement allemandes. Les nobles holsteinois, en très grand nombre, se sont établis dans le pays et la noblesse indigène s'est germanisée. Dans le courant du XVe siècle, on voit successivement disparaître des cartes publiques tous les noms à forme danoise. Ce mouvement continua même après le retour au Danemark du Schleswig. Les rois danois de cette époque, les Éric de Poméranie, les Christophe de Bavière, les Christian d'Oldenbourg étaient, en effet, de purs Allemands. Leur cour était pleine de courtisans allemands ou de danois qui étaient allés parfaire leur éducation en Allemagne. C'était avec des mercenaires allemands qu'ils s'efforçaient de soumettre la Suède. C'était sur les institutions allemandes que se façonnaient les institutions danoises. Les mots nouveaux, introduits dans le pays par le développement de la féodalité et du servage, étaient presque tous d'origine allemande. L'autorité royale, déjà si affaiblie au XIVe siècle alors que le Danemark avait des rois indigènes, avait naturellement continué à s'affaiblir sous ses rois étrangers. Chacun d'eux avait dû consentir à des capitulations, dont les traits constants étaient la diminution des obligations militaires de la noblesse, la transformation des offices et des privilèges personnels en offices et privilèges héréditaires, l'augmentation des droits du Reichsrat, qui, depuis l'élection de Christophe de Bavière, était devenue la principale, presque la seule autorité du royaume. En même temps que la noblesse accaparait le pouvoir politique, elle s'emparait des terres. À la fin du XVe siècle, en dépit de nombreuses tentatives de jacquerie, le servage était définitivement établi. Comme la noblesse, le clergé continuait à grandir aux dépens du roi et des paysans. Les prélats étaient membres du Reichsrat et détenaient, dit-on, près de la moitié des richesses du pays. Aussi, les abus étaient-ils fréquents. Le concile de Copenhague, en 1425, a défendu aux ecclésiastiques de s'enivrer dans les cabarets, de porter des armes, des vêtements de prix aux larges manches bordées de fourrures, de visiter les couvents de nonnes sans le consentement de leurs supérieurs, de tenir des concubines dans leur maison. Comme ces défenses ont été renouvelées à plusieurs reprises, il y a lieu de supposer qu'on n'en tenait guère compte. Ce clergé dissolu était en même temps ignorant. À part une école cathédrale à Lund, pendant longtemps, il n'y a pas eu en Danemark d'institution qui pût donner une instruction à peu près sérieuse. La plupart des futurs dignitaires de l'Église danoise allaient faire leurs études à l'étranger. L'archevêque Eskil avait fait des siennes à Hindelsheim, l'évêque Absalon à Paris, où, dès la fin du XIIIe siècle, il y avait sur la montagne Sainte-Geneviève un collège danois. Éric de Poméranie songea le premier à fonder une université en Danemark. En 1419, il en obtint l'autorisation du pape Martin V. Mais le fondateur réel de l'université de Copenhague fut Christian d'Oldenbourg en 1479. Les débuts en furent bien modestes. Elle commença avec 3 professeurs seulement. Le premier pour la théologie, le deuxième pour le droit, tous deux venus de Cologne, et le dernier pour la médecine. Aussi, les Danois continuèrent-ils à chercher leur instruction à l'étranger, et ce ne fut qu'après la réforme que leur université prit quelque importance. Il en a été de même de la littérature danoise. Elle n'a pas, au XVe siècle, d'œuvres importantes. Le latin était encore la langue de la plupart des actes publics, l'allemand celle de la cour, bien qu'on y entendît encore parfois des scaldes islandais, et celle des villes en raison du grand commerce qui faisait les hanséates. Ces villes étaient déjà plus nombreuses, Copenhague, Roskilde, Odense, dans les îles, Lund en Scanie, Viborg, Randers, Slevig en Jutland, exportaient des bestiaux, des chevaux, du poisson, et recevaient de l'Allemagne en échange des vins, de la bière, de la cire, du froment, des étoffes, des meubles, des chaussures, des fers. Tout ce commerce se faisait par l'intermédiaire des hanséates. Les produits qu'ils n'importaient pas, ils les fabriquaient sur place. Leurs artisans, comme leurs négociants, étaient nombreux dans toutes les villes maritimes. Dans plusieurs d'entre elles, ils occupaient les charges municipales. Cette domination commerciale des hanséates était lourde au Danemark. Déjà, Christophe de Bavière avait essayé d'appeler dans les ports danois les Hollandais et les Anglais. Christian d'Oldenbourg s'y prit directement et plus simplement. Son ordonnance sur le commerce de 1475 défendra aux hanséates d'avoir en Danemark des demeures fixes, de faire des achats dans les campagnes, d'exporter les grains, le mil, les poulains, etc. Elle leur prescrira de transformer leur compagnie allemande de Copenhague en une compagnie danoise. Il y a dans cette ordonnance la même pensée de réaction contre les étrangers qui avait suggéré la création de l'université et que nous retrouverons bientôt dans la réforme danoise. La Suède. Du côté du sud et de l'ouest, pendant toute cette période, les limites de la Suède n'ont pas changé. Au nord et à l'est, la colonisation suédoise a continué à s'étendre régulièrement le long des côtes et des rivières. Dans certaines régions de l'intérieur, particulièrement en Dalécarlie, l'exploitation des mines a créé des centres importants. Il est difficile d'évaluer la population totale de la Suède. Les chroniqueurs se plaignent souvent que les guerres civiles transforment le pays en désert. D'autre part, nous savons que la peste noire de 1346 y a fait d'affreux ravages. On a calculé, d'après les registres du denier de Saint-Pierre, que les districts d'Uppsale et de Skara avaient perdu, de 1348 à 1350, plus de la moitié de leur population. Les autres régions ont probablement été moins éprouvées. En tout cas, il paraît difficile que, pendant toute la période de l'Union, la Suède ait eu plus d'un demi-million d'habitants clairsemés sur une immense étendue. Les villes étaient rares et pauvres. Uppsale, longtemps la plus importante, avait commencé, déjà sous les derniers Folkungs, à s'effacer devant Stockholm. Le commerce était, plus encore qu'en Danemark, entre les mains des Hanséates. Ce que nous avons dit de la noblesse et du clergé danois s'applique à la noblesse et au clergé suédois, à quelques différences près. En Danemark, la couronne avait conservé, au XVe siècle, une ombre d'autorité qui suffisait à maintenir en paix entre eux les deux ordres privilégiés. En Suède, la couronne n'était plus que l'enjeu des luttes de la haute noblesse, des Stures, des Vasa, des Oxenstierna, des Bondes et de l'épiscopat. Pendant toute la durée de l'Union, le clergé suédois tint bon pour le roi de Copenhague, par crainte de voir ses adversaires, une fois maîtres de la couronne, disposer arbitrairement des biens d'église ou essayer d'en arrêter la croissance continue, comme le fit effectivement Charles VIII. Ce clergé puissant était du reste fort ignorant. C'était à l'étranger que ses dignitaires allaient s'instruire. Il y eut de bonne heure, à Paris, un collège suédois. Au XIVe siècle, on commença à préférer Prague, qui était moins loin et moins cher. Il n'était pas encore question d'université suédoise. Comme la littérature danoise de cette époque, la littérature suédoise est pauvre. Elle a pourtant à citer un certain nombre de chroniques, quelques-unes en suédois, en particulier l'Erikskronikan, composée peu après le couronnement d'Éric, fils de Magnus Met, et d'assez nombreuses traductions, soit de livres sacrés, celle des sept livres de Moïse par les soins de Sainte Brigitte, soit de poèmes de chevalerie, Flore et Blanche-Flore, etc. Rien, dans toute cette littérature, ne dénote l'approche de la Renaissance. On est encore en plein Moyen-Âge. Fin de la section 63.